Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous recommandons d'augmenter bien fort le volume. Merci de bien suivre les consignes et de permettre à Mix Live de vous ambiancer. We'll be right back. thing. This many bastards were coming my word. I give you my low die. If you're lying to me, open your eyes and shut the window. Please run as fast as you can. We're standing together, it's a must, not so. un groupe punk de Normandie. On répète dans la grotte tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit, on s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au bois jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque que Louise attaque, je partirais en vacances au bois jusqu'à Pâques. C'est beau la Normandie comme le dit ma grand-tante Marie, mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé, je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et sonne pour me donner du cœur. J'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à... Je resterai pour les vacances, tout seul avec mes vaches. Si j'avais le portefeuille Cry. saw her face. Now I'm a believer and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Sunshine, I got rain. And then I saw her face. Now I'm a believer and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Secure anymore. we're half dead. Roses, and we're here again. Home again, let the whiskey flow again. Let the taps blow again. Sound away the knell like a fistful of roses. We're taken to the grave. Every last tale there is to tell. Regulars, the lover just the same. Where the monks bare boots, tucked away among the suits, and the sallies come to rattle the can for Jesus. Fill the chain up all the doors and toss out all the whores. We a fistful, we're half dead. Roses, and we're here again. Oh, again, let the whiskey flow again. Let the taps blow again. Sound away the knell like a fistful of roses. We'll take you to the grave. Every last tale there is to tell. Days, and there's still a hell of a road for us to wander. There's one near among us, so let live the rest. Take a tipple to his foibles and his praises, till they strike him off the roll. A chicken down a hallway, a fistful of half dead roses. And we're here again, oh again. Let the whiskey flow again, let the taps blow again. Sound away the knell like a fistful of roses. We'll take him to the grave. Every last tale there is to tell. Before I lose my head, let's back away from. baissez le volume. Mix Live revient très bientôt pour vous embarquer vers une nouvelle destination. En attendant, retrouvez-nous sur mix avec un e live.fr et sur les réseaux sociaux.